Épigramme by François Ménard, read for LibriVox.org by Christiane Lévesque for Bastille Day 2006. Un rare écrivain comme toi devrait enrichir sa famille, d'autant d'argent que le feu roi avait mis en la Bastille. Mais les vers ont perdu leur prix, et pour les excellents esprits, la faveur des princes est morte. Malherbe en cet âge brutal. Pégase est un cheval qui porte les grands hommes à l'hôpital. End of poem. This recording is in the public domain.